إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون عباد الله إن الله عز وجل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأنزل إليه وحيه وكتابه ليبلغ الناس ما نزل إليهم من ربهم قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أو مسلمان serviteur d'Allah سبحانه وتعالى certes votre Seigneur a envoyé son messager sallallahu alayhi wa sallam avec la guidée et la religion de vérité afin de la faire triompher sur toutes les autres religions. Il a descendu sur lui sallallahu alayhi wa sallam sa révélation et son livre afin qu'il transmette aux gens ce qui est descendu sur lui de la part de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, au sens approché, nous avons fait descendre vers toi le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Wa amarana subhanahu bi ta'ati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ta'ala wa ati'u Allah wal rasul la'allakum tulhamun. وأمرنا بالرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم عند التنازع ورد إليه عند الاختلاف فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أجمع المسلمون أن الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إليه في حياته والرجوع إلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم واتفقوا أن فرض هذا الرد لم يسقط بموته صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل a ordonné d'obéir à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran au sens approché et obéissez à Allah et au messager afin qu'il vous soit fait miséricorde. Et Allah nous a ordonné de retourner à sa sunna lorsqu'on a un désaccord et de s'en remettre à la sunna lors des divergences. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran au sens approché, ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-la à Allah subhanahu wa ta'ala et aux messagers. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala a dit, les musulmans sont tous unanimes que le fait de renvoyer au messager sallallahu alayhi wa sallam signifie le retour vers lui durant sa vie et le retour vers sa sunna après sa mort. Et les musulmans sont unanimes pour dire que cette obligation de retourner vers le messager sallallahu alayhi wa sallam ne s'arrête pas avec son décès sallallahu alayhi wa sallam. فمن اتبع السنة وعمل بها فقد عمل بالكتاب العظيم ومن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله عز وجل. قال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. Donc celui qui suit la sunna et celui qui œuvre avec la sunna aura certes œuvré avec le Coran, et celui qui obéit au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم aura certes obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla nous dit dans le Coran au sens approché, quiconque obéit au messager certainement aura obéi à Allah, et quiconque tourne le dos, nous n'avons pas envoyé à eux comme gardien. Et dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim, Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui m'obéit aura obéi à Allah, et celui qui me désobéit aura désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, inna mimma btuliyat bihi l'umma fi'amun minan nas yuqalliluna min sha'ni sunnah wa yuqaddimun alayha aqwal al-bashar بل تجاوز بعضهم حتى وقع بالاستهزاء والسخرية بها. وهذا لا شك أنه مسلك خطير وجرم عظيم وذنب على من قاله أو سمعه ولم ينكره. قال الله سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Ô serviteurs d'Allah, parmi les choses par lesquelles la communauté musulmane a été éprouvée à notre époque, le fait que certaines personnes ont diminué l'importance de la sunna. Ils ont préféré la parole d'être humain à celle de la sunna. Certains d'entre eux ont même dépassé les limites en se moquant ou en dénigrant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de doute que cela est un danger grave, que ceci est un crime odieux et un péché pour celui qui le dit ou celui qui l'entend et qui ne le condamne pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran au sens approché, et est-ce d'Allah, de ces versets, et de son messager que vous vous moquiez. Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Ibad Allah, innal adilla tawafarat ala anna al-hidaya wal-istiqama wal-rahma wal-nur wal-naja wal-salama كلها تحصل باتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم والتزام طريقته وتعظيم شأنه والإيمان الصادق بما جاء به والشر كل شر بمخالفة سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. serviteur d'Allah, ô vous les croyants et les croyantes, les preuves du Coran et de la Sunna sont très nombreuses sur le fait que la guidée, la droiture, la miséricorde, la lumière, le salut, la sûreté, tout ceci ne s'obtient qu'avec une seule chose, qu'avec le suivi de la Sunna de notre prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le fait de s'accrocher à sa voix, le fait de glorifier son affaire, le fait d'avoir une foi sincère en ce qu'il nous a ramené, en ce qu'il nous a rapporté. Et le mal, tout le mal, est dans le fait de contredire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le fait de contredire la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran au sens approché, dit: ô vous les hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah, celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité digne d'être adorée à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah et en son messager, le prophète illettré, qui croit en Allah et en ses paroles. Et suivez-le, afin que vous soyez bien guidés. لذلك حذرنا المولى سبحانه وتعالى من مخالفة السنة النبوية وما جاء فيها من أوامر ونواهي فمن جحد شيئا منها أو كذب بها أو شك بما ثبت فيها فقد وقع في داهرة الكفر والضلال وخرج من دائرة الإسلام والإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أتدري ما الفتنة؟ الشك، لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, le maître de l'univers, subhanahu wa ta'ala, nous a mis en garde contre le fait de contredire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'elle comporte comme ordre et interdit. Donc celui qui renie, celui qui rejette, celui qui dément ou celui qui doute d'une seule chose de la sunna confirmée sera alors tombé dans la sphère de la mécréance et de l'égarement, et il sera sorti de la sphère de l'islam et de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran au sens approché que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a dit: savez-vous c'est quoi cette épreuve? Il a dit: l'épreuve ici, c'est le shirk. Il se peut que si la personne rejette certaines paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son cœur soit atteint par la déviation jusqu'à qu'il soit perdu. Ibadullah, inna al-kitab wa sunna aslan mutalaziman, fal wajib ala kulli muslim أفضل منه. قال الله سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيجب علينا يا عباد الله اتباع الكتاب والسنة وعدم التفريق بينهما. Ô serviteur d'Allah, le Coran et la Sunna sont deux sources indissociables. Il est donc obligatoire pour chaque musulman et chaque musulmane de se cramponner aux ordres de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, et ce avec quoi il est venu. Tout comme il est obligatoire, mes frères, de s'écarter de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit et contre ce qu'il nous a mis en garde sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et nous ordonne dans son livre le Coran au sens approché: prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Il nous est donc obligatoire, mes frères et mes sœurs, à tous de suivre le Coran et la Sunna sans dissocier l'un de l'autre. Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an al-Azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-Azim li wa lakum min kulli dhanb innahu huwa al-Ghafur al-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Ibadullah, inna tahqiqa ma'na shahadati anna muhammadan rasulullah an yu'adhim al-muslim ma jahabi al-nabiyyul kareem sallallahu alayhi wa sallam fayati'ahu fima amara wa yajtaniba ma naha anhu wa zajar wa nusaddiqa khabarahu وَنْ لَا يَعْبُدَ اللَّهِ إِلَّا وَفْقَ مَا شَرَعَ وَلْيَحْذَرْ مِنْ مُخَالَفَتِي أَوْ تَشْكِيكِ فِي مَا جَهَ بِهِ. قال الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وفي صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امتي يدخل الجنه الا من ابى. قيل: يا رسول الله، ومن ابى؟ قال: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. او serviteur d'Allah, او croyants et croyantes, l'accomplissement de la parole « Ashhadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluh » cette parole que nous répétons tous des dizaines de fois dans la journée, l'accomplissement de cette parole est le fait que chaque musulman glorifie ce que le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté, qu'il lui obéisse dans tout ce qu'il a ordonné et qu'il s'écarte de tout ce qu'il a interdit, qu'il croit fermement en ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, qu'il adore Allah seulement avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré, et qu'il prend garde de s'opposer ou de douter à une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran au sens approché: la seule parole des croyants quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci juge parmi eux, leur seule parole c'est quoi? Nous avons entendu et nous avons obéi. Et voilà ceux qui réussissent. Qui sont ceux qui réussissent? Ceux qui entendent le Coran et la Sunna, et ceux qui obéissent et qui suivent Kitab Allah wa la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans l'authentique d'Al-Bukhari, Abu Hurayra radiallahu anhu nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute ma communauté va rentrer au paradis sauf celui qui refuse. Alors les compagnons ont été étonnés: mais qui va refuser, ya Rasulallah? Qui va refuser de rentrer au paradis? Il a dit: celui qui m'obéit rentrera au paradis. et celui qui me désobéit aura refusé de rentrer au paradis. فالله الله عباد الله بتعظيم السنة في القلوب وتطبيقها في كل شؤون الحياة فهي سفينة النجاة ومركب الفلاح وطريقة الهدى فلا يقدم عليها قول أحد ولا رأي بشر ولا رأي بشر وجه عن الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه قال لبعض أصحابه إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فإياك أن تقول بغيره فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله تعالى وقال الإمام مالك إمامنا رحمه الله تعالى ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب ذا القبر وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه وصايا السلف الأمة يا عباد الله أو سيرفيتور دالله glorifie la sunna honore la sunna dans ton cœur. Applique la sunna dans toutes les affaires de ta vie. La sunna, c'est le bateau qui t'amène à la réussite. C'est le bateau qui t'amène à la sûreté. C'est la voie de la guider. Et ne devancez pas la sunna avec la parole de quiconque parmi les êtres humains. Ne devancez pas la sunna avec la parole de vos pères, de vos grands-pères, de vos oustades, de vos chiouyours. La sunna ne doit pas être précédée par la parole d'aucun être humain. La sunna est au-dessus de tout le monde. Il est triste aujourd'hui que tu rapportes la sunna à des personnes et qu'ils te disent « Ceci n'est pas la parole de mon père, ceci n'est pas la parole de mon grand-père, ceci n'est pas la parole de mon chir. » La sunna est au-dessus de tout cela. Si la sunna te parvient, il t'est obligatoire de la suivre. L'imam al-Awza'i Rahimahullah Ta'ala a dit à ses compagnons, si un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam te parvient, prends-le et fais attention et prends garde de ne pas dire le contraire. Car le messager d'Allah rapporte ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné. Et l'imam Malik, notre imam, l'imam Malik ibn Anas Rahimahullah Ta'ala a dit cette parole très connue, chacun d'entre nous est en position de rejeter ou d'être rejeté, excepté l'occupant de cette tombe. Il a indiqué la tombe de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, mes frères, sont les recommandations des prédécesseurs de cette communauté. Ibadullah, tara qawman yadda'oun mahabbat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa attiba'ahu wa hum yasubboun wa yukaffiroun ashabahu ويطعنون على عرضه ويتهمون زواجه وتروا قوما يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه وهم يخالفون أمره فينفون ويعطلون صفات الله رب العالمين وترى أناسا يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه وهم يبتدعون بدعا ما أنزل الله بها من سلطان ويحترفون ويحتفلون بأعياد بدعية التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أصحابه ولا تمت إلى الإسلام بسلة فكل هذه الأفعال تدل على كذبهم في دعواهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه لأن من حبه من أحبه واتبع أمره وسلك هديه وأحب صحابته وسار على نهجهم. Ô serviteur d'Allah, ô croyants et croyantes, vous voyez aujourd'hui des gens prétendent aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prétendent le suivre alors qu'ils insultent, qu'ils rendent mécréants les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils dénigrent l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils accusent les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez des gens prétendre aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prétendre le suivre, et tu les vois à qui contredisent son ordre, ils renient et rejettent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois des gens qui prétendent aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prétendent le suivre, mais ils innovent d'innovation dont Allah n'a fait descendre aucune preuve. Ils célèbrent des fêtes innovées, des fêtes qui n'ont pas été pratiquées par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ni par les compagnons. Tout cela, mes frères, tous ces agissements prouvent leur mensonge dans leur prétention d'aimer le prophète. Si vraiment, vraiment, ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'auraient pas contredit le prophète. Ils auraient suivi sa voie. Ils n'auraient rien rajouté à la religion d'Allah. Ils n'auraient rien rajouté à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui aime le prophète, alors il le suivra dans toutes choses. Celui qui aime le prophète, il prendra sa voie. Il aimera ses compagnons et il les prendra comme modèles. اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على إلى طاعتك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قالوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم عجل لهم بالفرج والنصر يا قوي يا عزيز اللهم وادر دوائر السوء على عدوك وعدوهم اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين واجعل ما أنزلته لنا قوة وبلاغا إلى حين اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.